啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦un oiseau mais jamais rien ne l'empêche un oiseau d'aller plus haut mais je suis seul dans l'univers j'ai peur du ciel et de l'hiver j'ai peur des fous et de la guerre j'ai peur du temps qui passe dis comment peut-on vivre aujourd'huiDans la fureur et dans le bruit Je ne sais pas, je ne sais plus Je suis perdu C'est comme l'oiseau Sa vie d'air pur et d'eau fraîche Un oiseau Dans peu de chasse et de pêche Un oiseauJe n'en vois pas de trace dit Comment peut-on vivre sans lui Sous quelle étoile, dans quel pays Je n'y crois pas, je n'y crois plus Je suis perdu Et comme l'oiseau Sa vie d'air pur et d'eau fraîche Un oiseauJean Oiseau、oh. Mais jamais rien ne l'empêche L'oiseau